pas les traîtres et moi je suis comme les gens d'ici. Je suis mou, je bois, je suis bleu, nique la mère à ce qu'ironie. Sache que tu me toucheras pas en faisant de l'ironie. Ils veulent niquer, moi j'anticipe. Moi je suis pas une légende, tu sais. Mon quartier, ils aiment pas les traîtres. Et moi je suis comme les gens d'ici. Je suis nul, je bois, je suis bleu. Nique la mère à cette ironie. Sache que tu me toucheras pas en faisant de l'ironie. J'ai marqué l'époque, je veux pas qu'on m'oublie comme Ronnie. Je suis l'ovni qui lâche sa haine au mic et sa mélancolie. En colère, en crabe, ils m'ont déçu, encore eux. Ils nient même en tort, croient que sa fin est imparable. J'ai beau tout faire pour faire le bien, et quand je le fais, ben ils me déçoivent. Les yeux bien ouverts, qu'est-ce que je m'en tape de ces oives. Ils veulent niquer, moi j'anticipe. Moi je suis pas une légende, tu sais. Mon quartier, ils aiment pas les traîtres. Et moi je suis comme les gens d'ici. Je suis nul, je bois, je suis bleu. Nique la mère à cette ironie. Sache que tu me toucheras pas en faisant de l'ironie. Job de job est dans le bloc. Y'a trop d'indic à l'étage. Dans la merde, ça patauge. Je pourrais même te dire que ça nage. Les cives, les 5 points de shit que tu as dans la sacoche. Tu cours, tu fais des missions. Mais y'a rien qu'aboutit. Pendant que ta femme te rend fou juste pour un sac Gucci. Je veux m'évader alors je suis souvent Bruncha. Grand cœur généreux un peu comme Michel Colucci. J'ai pris perpète dans la musique. Faut que je m'échappe moi. Je fais bordel sous le tunnel avec mon pot d'échappement. En ce moment je ne suis pas trop là. Mais si t'as besoin snap moi. Ils t'ont tous parlé de ma vie. Mais réellement ils savent quoi. Ils veulent niquer, moi j'anticipe. Moi je suis pas une légende, tu sais. Mon quartier, ils aiment pas les traîtres. Et moi je suis comme les gens d'ici. Je fume, je bois, je suis bleu. Nique la mère à cette ironie. Sache que tu me toucheras pas en faisant de l'ironie. Ils veulent niquer, moi j'anticipe. Moi je suis pas une légende, tu sais. Mon quartier, ils aiment pas les traîtres. Et moi je suis comme les gens d'ici. Je fume, je bois, je suis bleu. Nique la mère à cette ironie. Sache que tu me toucheras pas en faisant de l'ironie.